Bonheur et plaisir, de contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marboy. Bonheur et plaisir. Lorsque Dieu créa l'homme, il le voulut heureux. Il lui fit 100 présents, dont le plus généreux fut un vase formé d'une étrange matière, qui n'était de métal, de marbre, ni de pierre, d'ambre, ni de cristal. « Prends, lui dit le Seigneur, le vase où tu boiras se nomme le bonheur. » L'homme crut le saisir, mais de sa main débile, le vase s'échappant se brisa comme argile. Les miettes du bonheur devinrent les plaisirs. L'homme voulut en prendre au gré de ses désirs. « La part que je connais vaut le tout que j'ignore, » disait-il à part soi. Dieu le prévint encore. « Ménage ces morceaux, enfant, car je te dis qu'ils se réuniront un jour au paradis. » Fin de Bonheur et plaisir. Enregistré par Marboy.